Ce feu est en panne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il peut changer de couleur. Oui, réponse C. Non, réponse D.